Le participe passé, du passé composé, s'emploie, comme en français, à toutes les personnes du verbe avoir, mais aussi après toutes les personnes du verbe être. Par exemple, j'ai connu, il a connu, ou bien c'est connu. Après les auxiliaires avoir et être, on peut employer le participe passé connu. Connu apparaît toujours sous la même forme. C'est la même chose en anglais. Alors, j'ai connu se dit... I knew. I knew. Mais le passé composé... I have known. I have known. Known s'emploie également après le verbe être. Comment dit-on c'est connu? He is known. Ah, ça veut dire il est connu. He is known. Ici, je vous demande de me dire c'est connu. It is known. It is known. C'est bien connu. It is well known. Le verbe faire, comme faire une chose, faire une réservation, se dit to make. To make. Et le passé simple, c'est I make. No. Sans le cas. Oh, made. I made. Et ça s'écrit M-A-D-E. Oui. Made. I made. M-A-D-E. Pour le passé composé, le participe passé est identique, made. Alors, j'ai fait une réservation au passé simple. I made a reservation. I made a reservation. Il a fait la réservation au passé composé. He has made the reservation. Right, he has made the reservation. Comment dit-on, c'est fait ici? It is made here. Right. It is made here. On peut employer au passé composé le verbe avoir ou le verbe être, comme en français. Le participe passé du verbe qui suit ne change pas, quelle que soit la personne. C'est comme si on plongeait de deux plongeoirs différents pour aboutir sur la même forme verbale. Un plongeoir avoir et un plongeoir être. Alors, comment dit-on il a fait avec l'auxiliaire avoir? He is. He, once more. Il a fait. He has. Et après avoir, on plonge dans. He has. Le verbe est make. He has. Made. He has made. Yes. He has made. Si on dit c'est fait, après le verbe être, on plonge dans « it is made ». Yes. Pour le verbe « to do », comment dit-on « je l'ai fait » au passé simple? « I did ». ».« I did ». Je l'ai fait. I did it ».« I did it ». Je ne l'ai pas fait. « I didn't do it ». Right. « I didn't do it ». Le participe passé du verbe « do »,« to do » est « done ».« Done ». On peut l'employer après avoir ou être et plonger dans done. Done s'écrit D-O-N-E. Done. Alors, je l'ai fait au passé composé. I have done it. Right, I have done it. Je ne l'ai pas fait. I have not done it. Right, I have not done it. Comment dit-on c'est fait? It is done. It is done. C'est fait. It is done. On plonge automatiquement dans la même forme de participe passé, quel que soit le verbe auxiliaire, avoir ou être. Comment se dit le verbe écrire? To write. Write. To write. W-R-I-T-E. Au passé simple, j'ai écrit. I wrote. I wrote. W-R-O-T-E. Et le participe passé employé après avoir ou être est written. Written s'écrit W-R-I-T-T-E-N. Written. Je lui ai écrit aujourd'hui au passé composé. I have written. À lui. To him. I have written to him. C'est écrit. It is written. It is written. Yes, it is written. Donner. To give. To give. Passé simple. Gave. Gave. Pour le passé composé, le participe passé est given. Given. C'est comme l'infinitif to give, mais avec un N à la fin. G-I-V-E-N. Given. Comment dit-on alors « Nous lui avons donné le livre ». We have given him the book. Yes, we have given him the book. Comment dit-on « oublier » To forget. To forget. Au passé simple, j'ai oublié. I forgot. I forgot. Et au participe passé. I have forgotten. Bravo. I have forgotten. Yes, I have forgotten. Et c'est oublié. It is forgotten. It is forgotten. Yes. Recevoir, obtenir, avoir, se dit to get. To get ressemble à forget. Comment exprime-t-on le passé simple de to get? I got. I got. Le participe passé employé pour le passé composé est got en Grande-Bretagne et gotten aux États-Unis. I have got. Yeah. En Grande-Bretagne et I have gotten aux États-Unis. That's right. Mm-hmm. I have got. Yes. Alors, comment dit-on « J'ai eu votre message au passé composé » I have got your message. I have got your message. Comment dit-on « conduire, aller en voiture » To drive. To drive. Au passé ? Drive, I drove. I drove. Très bien, I drove. Au passé composé, le participe passé dans lequel on plonge après les auxiliaires avoir et être est driven. Driven. C'est comme l'infinitif, mais avec un N à la fin. D-R-I-V-E-N. Driven. Alors, comment dit-on « nous sommes allés en voiture » au passé composé ? We are driven. We no. We have. We have driven. Yes, we have driven.